Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Bah du coup, on va rentrer au vaisseau. Ouais. Et une fois qu'on est au vaisseau, bah je vais ouvrir le petit cylindre. Ah oui, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Hein ? Enfin ! Ah oui. Enfin, on l'a ! C'est pour ça qu'on a tout fait ! J'espère que c'est pas vite, merde ! Sinon, Bernie, ça va pas être le chanceux qu'on va continuer à appeler, mais l'unijambiste ! D'ailleurs, le cylindre est fermé. Est-ce qu'on passe voir Bernier avant ou faire après venir, hein. Bah là, on regarde dans le, on est dans le vaisseau, donc. Ouais. Ok, ça marche. Ah ouais. Alors, où vous faites ça en étant tous ensemble au niveau du semi-poste de commandement, de la plateforme de commandement, qui est juste en dessous du poste de pilotage et du senseur. Si vous vous souvenez à quoi ça ressemble l'intérieur d'un basique. Oui, oui. Il y a la place. Oui, oui, oui. Oui, c'est parce que au poste de pilotage, j'ai pas la place et. T'as une petite salle juste en dessous des postes de pilotage avec après la tourelle de l'autre côté. Donc où vous mettez tous les quatre ici, avec le reste de votre équipage peut-être, sauf ceux qui seront sur les systèmes de survie, genre toujours quelqu'un chez dans la salle des machines ou quoi, mais curieux de savoir ce qui se passe. Où vous prenez la route, et pendant qu'il y en a qui sont en train de naviguer, en fait, de piloter, il y en a un ou deux qui peuvent descendre pour essayer d'ouvrir. Non, on va faire ça à l'arrêt. Ça, le maximum de personnes peuvent en profiter. Allez, bah carrément, même vous pouvez aller dans la soute, hein, si tu veux, dans la soute à l'avant. Oui, bah oui, pas là où il y a le plus de place, quoi, finalement. Bah, c'est là, ouais. C'est ouais. Là. Tu tires une table, une petite table, et commence à regarder. Alors, ton tube métallique, c'est assez étonnant, parce que il a l'air. Il a pas l'air tout à fait récent, mais il est pas, c'est pas un truc qui est ultra vieux non plus. Hein. Mmh. C'est un truc qui a été fait il y a quand même quelques temps. Ça, la bouteille, ça a dû voyager, il a quelques pètes, etc. Mais c'est possible de l'ouvrir avec la clé de sécurité qui y est attribuée. Sinon, il faut déjouer son système de sécurité. Et pour ça, ça demande quelques manipulations et un petit peu de temps. Mais tout système est brisable d'une certaine manière. Neve, est-ce que tu veux profiter de ce défi ? Eh oui, bah bien sûr. Casse pas tout, hein, par contre. Bon, bah, du coup, on réunit pas tout le monde, hein, si je sais que déjà qu'il faut que de sécurité, je pas. Et je ne peux pas l'ouvrir. Bon, bah voilà, allez. Tous au boulot maintenant. Bon, bah tant pis, hein. Le fiasco. Le capitaine, il est un peu bizarre quand même. Il nous fait venir pour rien. Faire un test de sécurité, Nev. Alors, c'est le système de sécurité, c'est dans perception. Alors, pas forcément, plus. Un peu confiance en toi. Alors c'est difficulté 5. Sécurité. Discrétion, on recherche chanceur. Un système de sécurité, voilà. 4, c'est loupé de 1. Ah bah écoute, tu commences à t'y mettre. Ah, c'est un test qui est très difficile. Ouais. Donc, effectivement, vu la difficulté et le niveau de sécurité qui a été mis, le truc qui est à l'intérieur, oh, on se fout de votre gueule, hein, clairement. Tiens. Non, voilà. C'est pas ce que c'est. Hein, c'est pas le genre. C'est pas le genre du tout, hein. C'est pas le genre de dernier, quand même. Donc, mais c'est là que se trouve le colis fichier suprême de la chance pour Harold. Donc, ou bien effectivement, il y a quelque chose qui a une haute valeur, puisque en tout cas le niveau de cryptage de sécurité qui a été mis fait partie des niveaux les plus hauts. Donc, ça va te demander un peu plus de temps. Donc, autant les gens étaient contents de savoir que vous aviez eu le tube, tout ça. Après, tout le monde était reparti au niveau de son poste pour pouvoir avancer. Et vous partez, j'imagine, vous faites chemin retour vers Havana. Quand vous arrivez à Havana, Neve, la seule chose que tu te dis, c'est que il te faudrait un peu de temps de réflexion avant de t'y remettre. Donc tu peux tester de briser le système qu'une seule fois par jour. Sinon, il te faut la clé. Voilà. Pour éviter justement D'accord. de éviter de l'endommager ou quoi. Donc là, tu as testé une fois, qui est presque arrivé. Tu dis qu'effectivement, si tu prends un peu plus de temps, etc., le lendemain, tu penses pouvoir y arriver. Capitaine, Ouais. si a priori c'est Bernie qui a mis ça là-dedans, et que on a un moyen finalement de lui en ôter sa malchance, on peut tout à fait se dire que peut-être lui a la clé, et que pour s'assurer qu'il nous la donne, on peut lui dire que ce qu'on a là dans la main lui enlèvera toute sa malchance, quoi. Oui, bien sûr, mais en tout cas, c'était le deal depuis le départ. Normalement, il devait nous donner une Une carte. carte. Ouais, mais vu qu'il Voilà. nous a fait, il nous a entourloupé un peu depuis le début, faudrait pas qu'il recommence. Non, bah on va aller le voir. Ouais. Voilà. Bah écoutez. On va aller voir Bernie. Et pas se faire berner. Bernix. Bah écoutez, vous êtes de retour sur votre belle Havana City, toujours sous le soleil et le sable chaud. Ah, c'est plus calme en journée, comme d'habitude. Vous voyez tout un tas de soulards qui sont en train de décuver, enfin de soulards, de pirates en train de décuver un peu partout au niveau des hamacs, sous des parasols. Vous voyez les Havanais du coin qui sont toujours occupés à leur maigre pêche et le balai incessant de quelques vaisseaux qui vont et qui viennent, très certainement des équipages de pirates jeunes comme vous, plus expérimentés, qui viennent s'enivrer d'un repos bien mérité, et d'autres qui partent aussi à la conquête de l'espace. Vous vous rendez directement chez votre ami Gold? Bah oui, ce Allez, bon eh vieux bien écoutez, Bernie. en vous voyant arriver, il hésite entre sourire ou pleurer, il sait pas trop, donc il reste un petit peu avec les yeux écarquillés, il lève la tête plusieurs fois, il hausse les épaules, il ouvre ses mains. Alors? Moi j'ai gardé mon visage impassible justement, hein, voilà, cigare en bouche, hein, retiré et puis cracher la fumée, hein. Alors, t'as misé sur le bon cheval. Ah, il pousse un espèce de cri de joie. Il met un coup Mais... sur une armoire à côté de lui. Il y a effectivement une espèce de pierre qui lui tombe, qui s'écrase sur sa tête, qui lui fait un énorme bleu. Bah, tu te souviens qu'on avait un deal? Oui. Tu vas nous donner la clé de sécurité. Vous avez ramené la statuette? Et la malédiction? La clé de sécurité, ensuite la malédiction. Là, il ouvre un des tiroirs de son comptoir et hop, te sort une clé de sécurité qu'il suffit effectivement d'insérer sur un Bah, côté, de zapper, de biper. voilà. Je donne à Neve, hein, pour que. J'attends que Neve me dise c'est bon. Bip. Bah, Et c'est bon. Écoute, c'est le bon. tube s'ouvre. Le Ok, tube s'ouvre, il y a un bah. petit claque. Donc je tends le tube au capitaine pour qu'il puisse regarder. Bah ouais, je vais regarder ce qu'il y a dedans, qu'il est pas vide, hein. Non, c'est pas vide. À l'intérieur, il y a vient du papier assez âgé qui a été roulé et mis à l'intérieur. Après, il faut sortir son contenu pour voir à quoi ça ressemble, mais oui, c'est pas vide. Ok, bon, je regarderai ça plus tard. Hein. On va estimer que cette fois, il ne nous a pas entourloupé. Je vais lui sortir bah, la racine hein, qu'il a donnée. Voilà, tu dois bien mâcher ça pendant très longtemps et ensuite tout avaler. Il Mais attrape mâche ton bien, truc. hein. On nous a dit que c'était vraiment important de bien mâcher. Il attrape les feuilles comme ça, il commence à ouvrir. À l'intérieur, il y a une espèce de boule Et tout, hein. visqueuse, peu ragoûtante. Ça a une odeur, mais infecte. C'est Ouais, un tout mélange pour de fromage mâcher. pourri, de vieilles tripes mal cuites. Il vous regarde un instant. Peut-être que c'est pas si mal d'être maudit à la finale. Après, c'est ton problème. Hein. Maintenant, nous, on a fait notre part de taf. Fais attention, parce que si tu tardes trop entre deux boulettes, il va falloir recommencer dès le début. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, que tu ailles chercher la statuette, que tu la revoles, en fait, que tu sois de nouveau remaudit, que tu la redonnes, en fin de compte, au Black Mamba, que tu trouves un équipage. T'as pas fini. Hein. Il avale son truc dans sa bouche, il manque trois fois de vomir. À un moment donné, il la ressort, effectivement, pour dégobiller un petit peu avant de la remettre dans sa bouche pour mâcher. Bon, ça lui prend plusieurs minutes longues avant d'avoir mâché ce qu'il faut et de l'avoir avalé. Et de regarder un peu au-dessus de lui en attendant comme une lumière divine tombant du ciel. Mais la seule chose qui lui arrive, c'est un moustique qui se pose sur sa pommette gauche et qui le pique. Ce à quoi il répond par une grosse claque. Oui. T'as dit que tu devais mâcher longtemps. Alors qu'il se met une baffe pour essayer d'avoir ce moustique. Vous le voyez sourire. Il a l'air très heureux puisque quand il enlève sa main, effectivement, il a réussi à éclater le moustique qui venait de le piquer. Victoire ! Oui ! Et il se met à effectuer une espèce de gigue, une espèce de danse derrière son comptoir, tout joyeux. Merci ! Merci ! Et alors qu'il fait un bruit pas possible. Vous entendez des gens frapper, tambouriner un petit peu sur la porte. Et tu retrouves encore une fois quelqu'un que tu avais vu la veille, que tu avais plumé un petit peu. Ah ! Et qui c'est cela aussi ? Mais... On allait partir. Bernice a le petit raclure. Où est la statuette ? Quoi ? Bah du coup, nous, on prend la tangente. Au revoir. Allez, hein, bonne journée. Alors que vous vous éloignez, vous entendez que ça bugle à l'intérieur. Et rapidement derrière, alors que vous êtes en train de marcher, vous entendez Gary vous invective. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, bande de petites raclures. Vous allez voir, on va vous reconnaître. On a vu vos sales tronches maintenant. On vous aura à l'œil. Allez, faut aller prévenir le capitaine. Ça gueule un petit peu, ils ont pas l'air très contents. Vous voyez qu'ils vous regardent l'air un peu patibulaire, surtout en voyant effectivement vous éloigner, le sourire aux lèvres. Et messieurs, bah, vous avez une journée de plaisance à vivre. J'ai qu'une hâte, c'est de regarder... Retourner au vaisseau et de regarder ce bout de papier, ouais. Hein, surtout. Ouais. Qu'on voit le fruit de notre travail. Bah ouais. Enfin, l'aventure va commencer. Oui. Enfin. Il va faire ça... Comment vous y prenez, en fait ? Expliquez-moi comment vous allez regarder vos trucs, où est-ce que vous allez, comment ça se passe ? Bah, on va au vaisseau, clairement, hein, on va pas faire ça n'importe où, hein. Voilà, on va fermer les portes du vaisseau, on va se mettre au niveau du poste de commandement, là, tous les quatre, et puis on va sortir ça délicatement avec une petite pince à épiler, mais vraiment tout délicat, hein, en y allant tout doucement. Donc je demande pas à Violette de le faire, déjà. Je pense que le plus délicat d'entre nous, ça doit peut-être être même Harold, donc... Oui. Oh, Neve, je vois bien, je la vois bien. Ah, Harold aussi, il a du doigté, pilotage et tout. Il a l'air de savoir. Très bien, je vais le faire. Tu sors tout ça ? Eh bien, écoute, ouais. dans le tube se trouve une carte, peut-être galactique. Visiblement, elle a l'air très ancienne. Elle comporte des annotations complètement indéchiffrables, c'est-à-dire que y a des mesures qui ne correspondent pas aux métriques actuelles. Il y a tout un tas de dessins, il y a des espèces de une écriture avec, je sais pas ce que c'est des dessins ou un langage passé. Et à côté de cette carte, assez imposante, hein, elle se déroule bien. À côté de cette carte qui était repliée, donc lui beaucoup plus abîmé. Il y a un petit journal, une sorte de petit carnet, au fond, tout petit, hein, c'est format genre format 6. Et quand tu le feuillettes un petit peu à l'intérieur, il y a une tonne effectivement d'inscriptions, très certainement d'indications, il y a beaucoup de choses écrites, dessinées aussi, des représentations visuelles. Cependant, l'ensemble des écrits se trouve être dans une langue, elle aussi, inconnue. Super. Hop là. Voilà. Merci. Super. Retour oui, à la non, mais ça pas. C'est. Oui, mais en même temps, je veux dire, on a demandé à avoir un truc trésor rare, machin truc et tout ça. Faudrait pas croire que ça aurait été facile, hein. Et puis que c'est on vrai, aurait non. juste une carte de la galaxie avec un avec une croix. Ouais, c'est ça. Forcément, c'est des langues anciennes. Et c'est pas si tu te souviens, Bulette, sur quoi nous étions tombés. Sur et peut-être que ça appartient justement à cette ancienne civilisation, je ne sais quoi, et que c'est leur dialecte, leur langage. Enfin, bon, si on peut éviter de tomber sur la même créature que la dernière fois. On a failli crever, capitaine. Vous vous souvenez quand même? Non, je n'ai pas failli crever. Puis oh, les petits bleus là, il va falloir les préparer. Hein. Bah, ils sont prêts. Hein. Mais ils sont prêts, je veux dire, et confiance. Moi, j'ai absolument confiance en eux. Je sais qu'ils sont parfaitement prêts à relever tous les défis que la galaxie peut nous proposer. Ok. C'est vous le capitaine. Ce sont des pirates maintenant. C'est vrai. Au même titre que nous. Eh ben, accrochez-vous. Parce que si on voit la même chose, j'espère que vous êtes bien accrochés. Si tu te souviens, quand on a joué au Rhodes Ball, là où je sais plus quoi, ils se sont très bien sortis. C'est vrai. Donc, et confiance dans l'équipage. Ouais. Alors, dites-moi. Du coup, bah, est-ce qu'on éventuellement connaîtrait quelqu'un qui pourrait nous aider, un historien ou un truc comme ça, peut-être le gars de... Je crois qu'on avait rencontré un ancien, là, quand on avait enregistré le vaisseau. On pourrait peut-être aller lui demander à lui. Voilà, hein, qui voir, est à la retraite sur Havana. Bah, souvent les anciens qui ont le savoir. Donc, Oui, il a vécu des choses, il a peut-être des informations. Après, je sais pas, est-ce que toi, Harold, tu seras en mesure, en fin de compte, en faisant des calculs ou autre, de retrouver, en fin de compte, à quoi ça pourrait correspondre, sachant que éventuellement, peut-être que les étoiles ou autres ont bougé entre-temps. Alors oui, mais bon, les étoiles, ça bouge, mais c'est en un million d'années hein, pour que ça bouge, hein, une étoile, hein. Donc, mais j'imagine que ça doit être très vieux, hein. Sinon, capitaine, Nev, tout ça. Avec sa technologie, là, il n'y aurait pas un moyen de faire des recherches sur cette langue. De dater peut-être cette carte. On peut essayer, mais bon, on est limité, hein. J'ai pas accès à la technologie que j'avais sur Subtara, donc on peut voir ce qu'on peut faire. Je pense que déjà, il faudrait... scanner les informations pour les avoir en format numérique, si c'est possible. Ouais, bah déjà, fait ça, en effet. Et puis voir après, avec Harold, tous les deux, si on peut arriver à avoir des choses qui nous parlent aussi bien à l'un qu'à l'autre. En faisant des simulations, peut-être, essayer en rebroussant le temps, en fin de compte, avec les calculs, retomber, en fin de compte, sur les positions des étoiles qu'on voit sur cette carte. J'imagine que ça va prendre du temps, mais... Et nous, de notre côté, bah, on va aller interroger Drake. Ouais. Morgan Drake. Mais fais ton scan déjà, comme ça, au moins, quoi qu'il arrive, on aura toujours une copie numérique. C'est vrai. Harold Devilay. Non, c'est pas Harold. Nev, tu peux faire un test, s'il te plaît, de connaissance au CGV. 4 succès. Super. Honorable. Ouais, c'est très bien, 4 succès. Alors, ce que tu sais de par ton ancien métier, toutes tes connaissances, c'est que les outils de cartographie les plus puissants, les plus précis et surtout les plus fournis, c'est surtout ça qui vous intéresse, ils sont détenus par l'OCG. Parce que depuis toujours, c'est eux qui sont partis à l'expansion, à la conquête commerciale aussi. Donc ils sont rentrés en contact avec tout un tas de gens, tout un tas de planètes. Et forcément, c'est eux qui ont la plus grande réserve de cartes, d'autant plus que, encore une fois, pensez bien qu'ils ont uniformisé tout un tas de choses, ils ont répandu les formes de monnaie, monnaie universelle, etc. etc. Là, en l'état, toi, t'auras beau faire ce que tu veux. Alors déjà, arriver à traduire, tu vas y arriver ça, à traduire la carte pour la sauvegarder quelque part sur ton ordinateur de manière à sauvegarder quelques données, mais ça va être assez sommaire parce que comme t'es pas capable de lire vraiment les données, toi tu vas engrammer un truc pour avoir des points de repère, mais ça voudra pas forcément dire grand chose. Donc tant que vous pouvez pas en fait traduire la carte, y a pas vraiment d'utilité à vouloir essayer de la sauvegarder quelque part ou d'en faire une copie. Ça serait même peut-être plus un problème qu'autre chose en termes de sécurité pour vous, parce que si on vous pique un truc, voilà. Et le tas de données qu'il faudrait en termes de puissance pour sauvegarder et la carte et le carnet, c'est ingérable. C'est complètement ingérable pour vous là. Ah d'accord, il y a carnet aussi, j'avais pas compris. Ouais, il y a la carte, okay. Et à côté il y a le petit carnet format A6 avec un petit journal en fait avec. Ouais, tout un tas d'informations. Donc là, ce que toi tu peux faire, c'est passer du temps, on va dire, à feuilleter, en fait, à faire des recherches approfondies déjà, pour essayer de voir ce que toi tu peux avoir comme déduction, comme truc, okay, comme information. Après, pour la traduire ou pour essayer de l'étudier, il faut des points de référence, parce qu'en fonction de sa date, t'as aucune assurance de savoir est-ce qu'elle a été déjà faite d'après une position dans la galaxie qui est la même que celle qui est utilisée aujourd'hui ou celle qui était utilisée encore par le passé. Et donc ce qui veut dire que oui, les étoiles bougent pas, peut-être, mais déjà, est-ce que elles sont bien annotées? Est-ce que toutes les étoiles sont présentes sur la carte ou est-ce qu'il n'y a que certaines étoiles comme point de repère et pas toutes? D'où est-ce qu'elle est, etc. Enfin, c'est un bordel sans nom, quoi. Est-ce que nous, on a la possibilité au moins de au moins photographier, enfin, tu sais... qu'on ait juste une copie. Un échantillon pour pouvoir montrer aux gens, sans leur montrer l'original. Sans avoir à se balader à chaque fois que la carte. Comme Gobi a dit, en fait, ce cas, c'est que traduire, il y aurait bras, ça prendra juste un peu de temps. Mais par contre, après, si on veut vraiment faire des choses, il nous faut les connaissances de l'OCG. Oui. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on retourne dans le secteur de l'OCG pour. Je sais pas, est-ce qu'il y a des bibliothèques, ce genre de choses qui seraient accessibles au public Les plus grands cartographes, c'est de l'OCG. Il y a tout un tas de choses qui sont accessibles à condition de payer, parce que tu es à l'OCG. Ouais. Après, très certainement que les données les plus confidentielles, les plus secrètes, et potentiellement celles qui vont vous intéresser pour pouvoir étudier la carte et avoir des infos, celles-ci, elles sont très certainement secrètes et il doit falloir être dans les petits papiers de certaines personnes pour savoir où ça se trouve, comment y avoir accès, etc. etc. Mais c'est sûr que s'il y a un endroit dans la galaxie où pouvoir les infos, c'est là-bas. Est-ce que capitaine, on pourrait pas du coup continuer, enfin faire comme si ce qu'on avait prévu, aller voir Morgan Drake et lui demander s'il n'aurait pas un conseil par rapport à ça, et, ou peut-être des contacts à l'OCG. Moi, j'aimerais que moins de personnes soient au courant, en fait, qu'on ait cette carte. Okay. C'est ça, parce que je ne sais pas si on peut avoir confiance en Morgan Drake, en fait, ou autre. Donc voilà, surtout que les Black Mamba semblent... bien établi ici, donc. Ouais, mais est-ce que déjà Bernie, il a pas ouvert sa bouche? Il doit savoir lui ce qu'il y avait dedans, vu qu'il avait la clé. Ah bah, en tout cas, Bernie a dit que c'était nous, parce que vu comment ils sont sortis, voilà, Bernie nous a balancé, ça c'est une certitude. C'est pour ça que, pour moi, à mon avis, alors je regarde un peu qu'est-ce qu'on a comme contact en fait. Si je me souviens bien, l'OCG a des avant-postes dans tous les endroits de la galaxie. Et après, il faudrait aller vraiment sur leur territoire, quoi. Est-ce que on pourrait pas peut-être aller discuter avec comment il s'appelle, la Multitool, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle. Tu veux vraiment, je veux dire, c'était lui qui était un petit peu dans les artefacts, les trucs un peu anciens. Ah, celui qui nous avait embauché à l'époque. Ouais, celui qui nous avait embauché là. C'était sur Exalia, dans tous les cas. C'était au très ouais, voilà, sûr. C'est ça, la Mortimer. Là. Mortimer Moss. Moi, je sais qu'on a Robin aussi, qui est sur Exalia, justement. Peut-être qu'elle pourrait nous aider, parce qu'on l'a aidé à s'évader de la mine. Bah, comme vous voulez, capitaine. Dans ça, on sait qu'on a déjà. Moi, je pense que. Exalia, c'est pas forcément une mauvaise destination. On avait rencontré CC aussi, qui était intéressé par tout ce qui était mystère du passé, qui fait partie de la confrérie des Frères de la Côte. Donc déjà, c'est une grande confrérie. On peut aussi voir de ce côté-là. On l'avait vu sur... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Exalia. De toute façon, tout nous ramène sur Exalia. Alors, hein, après, c'est vous le capitaine, hein. Nous, on vous écoute. C'est pas pour autant que j'ai pas forcément. Mais envie de... Exalia, ouais, je pense que c'est une bonne destination. Bah ouais. En tout cas, voilà, on était venu ici. On a tous cette envie, en fin de compte, de découvrir les mystères de la galaxie. On a cette carte maintenant. Je pense que c'est notre porte d'entrée pour ce qu'on a envie de faire. Eh ben, allons sur Exalia. Mettons le moins de personnes possible au courant que nous avons cette carte. En tout cas, ici sur Havana. Et dans tous les cas, nous reviendrons. Un jour ici, maintenant que nous connaissons les coordonnées. Ouais, capitaine. Bon, ben... je sais pas quelle heure il est là, à peu près, mais sinon, ben, on prépare le... C'est l'après-midi. Ouais, sinon on part. Les préparatifs. Direct, hein. J'ai fait le plein de rhum. Déjà, on a ce qu'il faut. Nourriture aussi. Je pense que normalement, on avait pris nos dispositions justement par rapport à tout ça, carburant, nourriture, machin, truc, et si et ça. Et de l'équipement, sinon. De l'équipement, on avait acheté des armes. Mais pour l'équipage, oui, bah pour nous. S'il vous faut. On avait pris normalement de quoi que chacun soit armé. Armé, hein. Ouais. Oui. Et avec un gilet, je crois, de même. Oui. Après, si tu veux autre chose en plus, je sais pas ce que tu veux, mais. Non, c'était juste une sorte de fleuret, en fait. Un vaisseau à piloter. C'est déjà bien, non? Très bien, très bien. Non, c'était pas ça, c'est juste que... je me bats initialement avec des armes plus légères qu'un sabre, hein, qu'un gros sabre. C'est pour ça. Si t'as quelque chose à acheter, je te donne le pognon et puis tu y vas, y a pas de souci. Je vais passer vite fait. J'ai aucun problème avec ça. Tu vas aller faire quelques emplettes. Nev, tu supervises les changements de piles, etc. pour avoir tout ce qu'il faut en termes de radix. Les chargements, le radix. Tu vérifies que l'or met bien à sa place. Ça, j'ai déjà vérifié plusieurs fois. Je prépare mon discours pour l'équipage. Allez. écoutez, vous êtes. Ça fait à peu près 2 heures que Harold est parti et qu'il n'est pas revenu. Alors, vous savez que pour aller acheter un sabre, une épée ou peu importe ce qu'il veut, c'est absolument pas normal. J'en vois belette avec. Ah, j'ai hésité. Bon, on va aller le chercher. À mon avis, il est tombé sur des Black Mamba. Capitaine, est-ce que vous... on va déjà à la boutique d'armement, voir s'il a vu Harold. Capitaine, juste avant qu'on parte, est-ce que vous voulez pas dire à certains membres de l'équipage de bien surveiller le vaisseau pour pas qu'il nous fasse un coup de trafalgar? Oh bah qu'il... Oui, qu'il s'enferme à l'intérieur, hein, et puis voilà. Ouais. Bah, je veux dire, ils sont au courant. Alors, bah écoutez, qui est-ce qui va avec toi, Bart, Belette, bah, Nev, vous accompagne? Vous voyez de la castagne. Bah, je sais pas, Nev, c'est comme tu préfères. Si tu préfères continuer à préparer. Non, je vais venir aussi. Tous les préparatifs sont finis. Ouais. J'ai donné le reste des ordres aux gars de, voilà, de l'équipage. Voilà, comme ça, on évite de se séparer au niveau des PJ. Allez. Bah, écoutez, vous quittez effectivement les quais et vous dirigez effectivement sur la Grand Rue jusqu'à la Fine Lame. Bien évidemment, la meilleure boutique hein, en ce qui concerne. Les armes blanches hein, avec les sabres d'exception, donc la boutique d'Arcane. Quand vous arrivez, vous demandez au taillandier s'il a vu votre compagnon, vous commencez à le décrire, et effectivement, il vous dit que oui, d'ailleurs, il est parti sans récupérer son achat. Donc tu voulais acheter quoi, Harold? Bah, c'était soit une rapière, soit un fleuret, mais je pense que c'était plus okay. Fleuret. Donc en fonction de... Tu prendras ce que tu veux après, en fonction. Ouais. Donc il vous donne un petit coffret avec à l'intérieur une belle lame, une arme adaptée pour effectivement des duels ou en tout cas des combats plus précis que brutaux. Et il vous expliquera, Arcane, qu'il a été en fait convoqué de gré plus que de force par un groupe... de frères de la côte qui étaient accompagnés de Black Mamba et ils se sont dirigés en direction de la capitainerie, donc je ne saurais que vous inviter à vous y rendre. Ouais, la capitainerie sans pas les régalades, t'as la rue de la capitainerie, donc à ton mère. Bah écoutez, vous arrivez en bas de la capitainerie, vous êtes accueillis par un des gardiens, et quand vous demandez à voir votre ami, c'est assez simple, on vous indique de monter, il faut grimper les escaliers jusqu'à aller au bureau des capitaines. Donc ni une ni deux, vous grimpez le vieil escalier en bois. Vous entrez dans les salles, les chambres hein, qui accueillent le conseil des confréries, la plus haute, la seule instance politique des pirates. D'ailleurs, vous voyez que certaines personnes, en plus de frères de la côte, portent des couleurs différentes, que vous semblez déjà avoir vu ce drapeau-là. Ils sont en train d'installer un nouveau drapeau, enfin ils essayent de regarder où est-ce qu'ils pourraient mettre un cinquième drapeau de confrérie. Donc de nombreux flibustiers sont là, principalement bien évidemment les frères, qui vivent leur rhum, nettoient leurs armes, ou font le compte de leur crédit. Il y a une espèce de sympathique bordel hein, dans toutes les pièces, mais vous sentez que chacun des hommes et des femmes présentes sont prêts à se battre au moindre murmure de leur capitaine. Du menton, l'un d'eux vous indique la grande salle, donc une large table, y trône, couverte de victuailles plus ou moins entamées, et de cadavres de bouteilles. Au bout de cette table de banquet, vous apercevez la pirate la plus célèbre de la galaxie, Stella Belle, qui est en train d'échanger quelques mots avec un homme que vous voyez pour la première fois, qui a l'air lui aussi plutôt étrange et relativement menaçant, notamment parce qu'il a une cicatrice qui coupe son visage en deux, de racine de ses cheveux au-dessus de son œil droit, et qui va complètement le lézarder en diagonale, vous se perdre dans son cou. Mais ce qui vous attire sûrement beaucoup plus, c'est la présence de Harold, qui est lui assis à une table, et en face de Harold, de l'autre côté, vous voyez votre ami Gary, le marteau. Oui. Mais surtout, toi, Bart, tu reconnais aussi la capitaine Erika Montoya, qui en vous voyant arriver, fronce les sourcils, et affiche une moue visiblement colérique. Vous entendez Stella Belle qui échange avec l'autre pirate. Bon, capitaine, puisque vous êtes amené à prendre le relais prochainement, je vous laisse gérer les petites merdes quotidiennes. Moi, je vais préparer mes hommes au départ. J'espère que vous saurez vous montrer à la hauteur pour vos premières fonctions. Enfin, elle le salue. Lui, il affiche un léger sourire. Et Stella Bell passe à côté de vous. Vous adresse un petit signe de la main. Allez, bonne chance les jeunes. Et elle quitte la pièce tranquillement. Donc Stella Bell, vous vous en souvenez? Oui. Hop. Oui, ça, oui. Dommage, ça aurait été bien une femme pour vous. Vous avez tout ça. Le pirate, donc, qui s'approche, vous le discernez bien mieux, donc il porte un long manteau noir de style militaire, brodé dans le dos d'une reproduction de son Jolly Roger, effectivement exactement le même drapeau qui était en train d'essayer d'être affiché, et donc ça ressemble à ça, vous l'avez pas vu, à ça. Hop. Donc un crâne portant une énorme cicatrice, un sabre, un hyper blaster croisé derrière. Donc en dessous, il porte une sorte d'ensemble aristocratique noir, composé de bottes montantes, pantalon à pinces, gilet. Seul le blanc de sa chemise, hein, et sa chemise et les dorures de ses ornementations portent une sorte de touche de lumière dans son sombre complet. Il y a des crânes un peu partout. Visiblement, il aime bien les crânes aussi. À la fois comme boutons, comme éléments de décoration. Il a une épée droite finement ouvragée qui repose à son côté, dans une guette solide, ce qui vous interpelle, mais qui a surtout attiré le regard de Harold quand il est arrivé, c'est que c'est une épée qui est plutôt, toi tu as déjà vu ce style d'épée, c'est une épée genre chevalier, c'est plutôt... Ah ouais. Ouais, c'est une épée droite, c'est pas du tout un sabre de pirate, c'est pas une rapière, ça ressemble vraiment à une longsword. Il y en a évidemment un futuriste. Il porte aucun pistolet sur lui, mais a donc son côté gauche, puisque son épée est à droite. À son côté gauche, il y a un jeu de grenades assez différent. Vous reconnaissez fragmentation, plasma notamment. Dans un coin de la salle, derrière, vous voyez un hyper blaster qui a été lui aussi marqué, en tout cas customisé avec encore une fois son Jolly Rogers. Hop, il ressemble à ça. Ah ouais, sympa. Il vous fait signe de vous installer. Messieurs, je vous en prie. Donc, cicatrice sur tout le visage, bien. Cheveux noirs un peu en arrière, il a juste des mèches de cheveux blanches. Voilà. Quelques boucles d'oreilles, quelques bijoux, enfin c'est l'archétype un peu du capitaine pirate. Eh bien. Qu'est-ce donc que cette petite réunion? Je vous en prie, installez-vous auprès de votre pilote, il me semble. En effet. Tout d'abord, bienvenue à la capitainerie, laissez-moi faire les présentations. Vous connaissez, j'imagine, la capitaine Montoya, ainsi que son bras droit. Vous-même, Harold, vous m'avez dit que vous attendiez votre capitaine, qui est... C'est vous? Ici même. Capitaine Bars-le-Noir. Bars-le-Noir, très bien. Eh bien, quant à moi, je suis le capitaine Black Scar. C'est moi qui vais remplacer l'admirable capitaine Bell sur les mois à venir en ce qui concerne la protection d'Havana. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ma confrérie, la Rack Blagarde. Évidemment. Enfin bref, sachez que moi, vos histoires de « tu l'as pris, je te la tiens, tu me la tiens, c'est pas la mienne », j'en ai franchement rien à carrer. Alors on va régler ça assez vite. Vous avez quelques minutes devant vous pour me présenter vos arguments, le biais de vos accusations. Et je déciderai de ce qui se passera après. Enfin bref, les trucs habituels. Si jamais c'est trop long, je pense que je vous enverrai tous. Vous êtes combien là? 4, 5, 6. Tiens. Aussi l'autre là dans le fond qui se planque, quelques blattements bas qui étaient là. Donc je vous enverrai tous les 10 par la planche, ça me fera passer les nerfs. Et je reprendrai effectivement le cours de ma journée. Allez, je vais vous laisser discuter. Ah oui, j'oubliais. Les accusations. La capitaine Erika Montoya ici présente vous accuse d'avoir volé... une carte au trésor qu'elle avait acquise par les jeux auprès d'un imbécile. Bref, elle a gagné une carte, vous lui avez piqué, ou j'en sais rien, enfin de toute façon je m'en fous. Soyez convaincant, je vous laisse 5 minutes. Quant à moi, faut vraiment que j'arrive à accrocher ce truc là. Je reviens, j'ai des affaires importantes à régler. Il sort de la grande salle. Et alors qu'il sort, vous entendez quelques insultes fusées de la partie adverse. Alors comme ça, vous avez piqué la carte à mes hommes, et vous osez venir danser avec moi le soir même, capitaine Bartholomew. Capitaine Bart, vous avez du culot. Mais cette carte ne vous appartient pas. Alors, vous pouvez me la rendre de suite. J'ai pas bien compris en fait. Vous accusez d'avoir pris une carte. Je vois pas trop. La statuette. Oui. Vous connaissez Bernie. Et il nous a tout raconté. Et il a dit qu'il vous avait. Ah. Oui. Il a dit qu'il vous avait demandé de rapporter la statuette en échange de son contenant. Sauf que cette statuette, il l'avait perdue. Et donc ? D'accord. Donc vos hommes, visiblement, celui-là, elle pointe Harold du doigt. Il y a justement Gary, le marteau, qui fait « Ouais, je me souviens de cette tête de fouine. » Et il y a effectivement Ben et Akal qui ont dit que c'était lui quand ils étaient en train de se baigner, enfin de faire leurs exercices d'entraînement pour augmenter leur musculature et leur... Oui, c'est bon. Donc... vous avez subtilisé effectivement la statuette des mains des idiots sous mon commandement. Chose visiblement qui n'a pas été assez difficile. Et on avait retiré son contenant. Un tube métallique qui devait contenir une carte. J'imagine que vous l'avez déjà ouvert. Si c'est le cas... Vous avez bien profité de sa lecture, il va falloir maintenant me la rendre. Alors, ce serait vraiment avec plaisir que je voudrais vous aider, hein. Mais bon, je pense que mes hommes également, hein, ne sont pas forcément au courant d'une telle histoire, hein. En plus, a priori, seul témoignage que vous avez, a priori, et quelqu'un qui manque, qui respire, et que vous traitez vous-même d'idiot, n'est-ce pas? Bernie, qui je pense serait prêt à vendre père et mère pour ne serait-ce que un peu de crédit. Et enfin, moi, je serai à votre place. J'avoue que savoir que mes hommes ont été dupés par jeune homme qui est pirate depuis 2 jours, j'avoue que j'hésiterais de venir en parler à la capitainerie. Hein. La porte s'ouvre un petit peu en claquant, et re-rentre le capitaine Blackscar. Ah. Bon, allez, on s'y met. Il fait le tour, il vient s'asseoir en bout de table. Comme vous me l'avez dit, capitaine, vous parlerez en votre nom. Quant à vous, qui est-ce qui va être entendu pour l'ensemble de votre équipage? J'imagine peut-être votre capitaine. C'est un rôle, c'est ça? Oh bah allez-y, capitaine. Évidemment. Vous dites toute la vérité. Bon, très bien. Alors, je vais donner en premier la parole à l'accusation, à laquelle vous pourrez répondre. Donc, soyez éloquent. Et une dernière chose, si vous essayez de me pipoter ou de me prendre pour un abruti, je vous enfoncerai ma lame dans le cul. Allez. Je suis tout ouïe. Donc, la capitaine Montoya commence à prendre la parole et elle explique un petit peu la même chose. Que, effectivement, l'affaire était très simple. Elle a gagné au jeu de manière tout à fait légale et loyale une statuette auprès de, donc de Bernie, hein, de Bernie Gold, un vendeur de colis fichés qui se trouve sur la grande. Et elle avait laissé cette statuette sous la botte garde de Gary le Marteau pendant qu'elle était avec des affaires plus pressantes auprès de l'amiral Blood et pendant effectivement que Gary avait la garde de la statuette. Harold, votre équipage a su utiliser la statuette apparemment, effectivement pour essayer de rendre un service à Bernie qui... mais tout ça n'intéresse personne puisque de toute façon la statuette avait été honorablement gagnée et donc elle, tout ce qu'elle voulait c'était effectivement récupérer la statuette. Comme la statuette n'est plus là, elle veut son contenant que Bernie assure vous avoir remis en gage de récompense pour le service que vous lui avez rendu. Donc elle exige paiement, notamment pour être, pour retrouver ce qui lui est dû. Très bien, très bien. Je vous écoute. Déjà, dans un premier temps, capitaine Blackscar, je suis navré en fait hein, que nous perdions tous un petit peu notre temps ici pour ce genre de choses. Hein. J'avoue que nous avons tous mieux à faire, hein, alors que quelques bons verres de rhum nous attendent tous dans les cantinas de Havana. Mais bref, faisons court. Hein, donc, a priori, hein, personne, hein, que vous avez vous-même, hein, capitaine, donc je me tourne vers... capitaine donc Montoya. De Mamba, là, Montoya, vous capitaine Montoya avez appelé donc un imbécile, hein, un idiot, hein, si je ne m'abuse, hein, accuse un de mes hommes en fait, hein, donc d'avoir pactisé avec Bernie, un homme, hein, que chacun saura qu'il ment comme il respire, qu'il serait prêt à vendre père et mère pour n'importe quel crédit, hein. D'ailleurs, j'imagine que pour retirer quelque information, il a dû être secoué un tant soit peu. Et donc, bon, hein, je veux dire, il aurait accusé n'importe qui. Alors que nous sortions à peine de sa boutique. On s'est croisés à ce moment-là. Hein. Bah, forcément, il a accusé les premiers venus pour dire de pouvoir se dédouaner. Hein, je sors les coquillages quand il dit ça. Hein. Et voilà. J'ai acheté. Ensuite, moi, j'avoue, hein, parce que, en tant que jeune capitaine, peut-être que, voilà, je ne connais pas les tenants, les aboutissants de chacun, mais une grande capitaine telle que vous, savoir, en fin de compte, que ces hommes ont été dévalisés par ce jeune homme ici présent, pirate, officiellement que depuis à peine 2 jours, je n'oserais me présenter à la capitainerie. Enfin, j'aurais honte pour mon propre équipage et pour moi-même. J'avoue que je ne saurais dévoiler, en fin de compte, une telle faiblesse auprès de la capitainerie. Hein. Et donc, évidemment, je réfute ces accusations. Nous n'avons jamais eu en notre possession la statuette. D'ailleurs, trouver un témoin qui nous aurait vu en possession de cette statuette, voilà, c'est ça, et encore moins de son contenant. Et je pense que, à mon avis, si quelqu'un devrait être accusé, ce serait plutôt un certain Bernie. Bah écoute, alors que tu fais ton discours... sûrement de vous la mettre à l'envers. Enfin, voilà. Alors, tu testes avec quoi comme compétence par rapport? Tu veux faire un test d'éloquence? Ça va être de l'éloquence, ouais. Plutôt, ouais, c'est plutôt de l'éloquence, hein, ouais, je suis assez d'accord. Et c'est 4 succès que je fais. Je vais pas faire bon jet. Bah écoute, alors que tu expliques effectivement tout un tas de points à plusieurs moments, le capitaine donc Black Scar lui a regardé du côté des Black Mamba pour aller voir certains effectivement lever les yeux au ciel quand tu parlais d'avoir mal, comme quoi ils auraient mal mené effectivement Bernie, les coquillages, tout un tas de trucs. Il soupire plusieurs fois à la fin de ta tirade. Hop, c'est avec cette dé. Hop là, Montoya commence à hausser le ton sacrement et commence à proférer plusieurs injures et même des menaces à votre encontre. Effectivement, menaçant de vous chasser en dehors d'Havana si jamais vous comptez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. De toute façon, là vous pouvez jouer des mécaniques avec en plus des gens qui arrivent et il y a des changements au niveau de l'amirauté. Qui n'aurait pas dû être, c'est son amiral à elle qui aurait dû être en poste et arriver là. Vous voyez que ce genre d'argument n'a pas l'air effectivement de plaire à la personne qui préside. Qui j'ai touché le point sensible. Donc au bout d'un moment, il tapera avec le poing de manière assez forte sur la table pour faire taire un petit peu tout le monde. Ah. Bon, visiblement, les jeunes pirates ici présents, que on m'a informé que vous n'aviez enregistré à votre équipage officiellement qu'il y a quelques jours. En effet. Voilà. Sont tout au fait de ce qui se passe et ils n'ont strictement rien volé du tout. En tout cas, pas de mon point de vue. Donc... je décrète que la carte, la statuette, le service qu'ils ont rendu à peu importe l'abruti qui soit ce Bernie, est tout à fait légitime. Donc, si quelqu'un essaye de leur voler cette putain de carte, il aura affaire à moi. Quand il finit de dire ça, capitaine Montoya se lève d'un geste furieux. Elle serre le poing, elle se retourne un peu. Capitaine Black Scar, c'est ça? Vous êtes nouvel amiral accepté, prochainement en poste. Enfin, jusqu'au retour du mien, puisqu'il prendra poste après vous. Alors, elle serre les dents, j'obéirai. Elle vous adresse un regard plein de haine. Dans quelques semaines, l'amiral Blood sera là. Et croyez-moi, on se retrouvera. Sur ce, elle fait... une révérence. Je l'espère bien, capitaine Montoya. Nous pourrons rééchanger une nuit ensemble. Elle virevolte, fait signe à ses hommes de se barrer et se retire. Quant à Black Scar, il regarde un petit peu la scène, l'air relativement déçu ou dépité, vous savez pas trop. Il hausse un sourcil. Et attrape une bouteille de vieux rhum. Il commence à servir effectivement 5 verres. Avant de se poser en arrière, de mettre ses bottes sur la table et de lever son verre. Messieurs, madame. Capitaine. Vous savez... vous devriez vous méfier des Black Mamba. Montoya, tout au plus. Si Blood lui fait confiance, c'est très certainement qu'il y a une bonne raison. Bon, vous avez peut-être eu de la chance jusqu'à maintenant, mais quand le vent tournera, vous aurez tout intérêt à planquer vos fesses. Enfin, Moi, je dis ça. Je vous trouve plutôt sympathique. Et vous lui avez claqué son beignet. Ce qui n'est pas pour me déplaire. J'aime bien les petits gars qui ont du cran. Et puis, comme vous débutez dans la piraterie, il serait, je pense, très malvenu de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, de toute façon, à part pas grand monde, en fait. Ça doit vraiment être chiant. À part pas grand monde, enfin bref, je peux pas trop saquer des pirates. C'est étonnant. Ouais, c'est bizarre. Désolé, je réfléchis tout. Enfin, faites gaffe. Tout ça pour vous dire que, étant en passe de devenir le 5e grand amiral, je peux certes vous offrir un petit peu de crédit, mais mon temps de supervision sur Havana est limité. Il me manque encore quelques équipages dans ma flotte pour être assez puissant afin de faire un cycle complet. Donc, dans quelques semaines, Blood sera assis à ma place. Et autant vous dire que si Montoya déclame une nouvelle assemblée contre vous, vous aurez beau avoir une belle gueule et les meilleurs arguments du monde, vous vous la ferez mettre à l'envers. Alors si j'étais vous, je me barrerais assez rapidement. Nous n'avions pas l'intention de faire de vieux os ici. Mais bon, après tout, j'avoue que je me suis beaucoup amusé et c'est comme ça que je conçois la vie de pirate. Eh bien, tant mieux. Risque et danger mènent au trésor. Voilà des mots que j'apprécie, surtout dans la bouche de nouveau. Il faut garder cette fougue. Enfin, nouveau, vous m'en voudrez pas. Hein. Vous devez être plus vieux que moi, capitaine Bart. Il a une trentaine d'années passées, hein, cet homme-là. Oh non, ouais, non, je suis plus jeune. Hein. Je suis pas si vieux que ça. Hein. Ouais. Oh, c'est votre allure alors. Désolé, vous ressemblez plus à un vieux loup de mer que moi. Ah, j'ai déjà pas mal navigué, malgré mon âge. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus maintenant qu'on a essuyé un verre? Polo, oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ma confrérie. Il essaye d'esquisser son plus beau sourire. Alors, c'est assez bizarre, puisqu'il a plus l'air intimidant que sympathique quand il sourit. Mmh. En échange de conseils, d'une aide mémorable, enfin, quand on n'est pas loin, bien évidemment, vous n'aurez qu'à me donner une part de vos butins et répondre à mon appel. Et porter mes couleurs en plus de la vôtre, bien évidemment. Vous avez besoin d'un autre équipage pour pouvoir asseoir vos fesses sur le plusieurs. Trône d'Havana, c'est ça? Le trône. Non, en fait, on se partage la gouvernance avec les autres amiraux, mais il doit me manquer une centaine. Il doit me manquer une centaine de type 100, 200, 300, enfin quelques centaines d'hommes, afin d'avoir une flotte suffisamment puissante pour pouvoir justement m'occuper de la protection d'Havana de manière pleine et complète, en tout cas avoir, on va dire, un pool disponible pas loin pour pouvoir effectuer mes quarts. Mais bon, en ce qui concerne les détails du nombre, c'est plutôt Linus qui saurait ça. En tout cas, sachez que vous avez plutôt une bonne gueule, vous m'avez l'air d'être plein d'entrain, donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. La position est intéressante. Je vais me tourner vers... apparemment, Belette a l'air d'accord. Bah au moins ça nous fera une protection en plus. Bon, je pensais bien pas la merde face au plaque Mamba. Bah ça peut aider. Et j'aurais bien aimé qu'on garde notre indépendance. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment... moi c'est la part putain, que vous récupérez qui me chipote. Ah, si vous rentrez chez... Oui, si vous rentrez dans une confrérie, vous répondez à ses règles internes, à ses valeurs morales, et comme... nous sommes en pleine expansion, nous avons besoin effectivement de richesses, d'informations, de tout un tas de choses qui pourraient permettre à la règle Blagars d'étendre son influence aux quatre coins de la galaxie. Je vous avoue qu'en dehors de l'OCG, de certaines zones à risque de l'Empire Galactique, quelques contacts en sol et dans les Barents, pour l'instant nous sommes assez pauvres. Mais nous tendons vers une expansion glorifiante. Hein ? L'OCG, vous avez des contacts à l'OCG importants, quand même. Oh, comme tout le monde. Chaque tout pirate digne de ce nom a forcément quelques contacts à l'OCG. Écoutez, vous avez dit que vous préfériez garder votre indépendance, c'est ça ? Un peu ça, oui. C'est aussi comme ça que je conçois la vie de pirate, la liberté. Faisons un deal, alors. Personne. Oui. De toute façon, ça peut pas me mettre plus dans la merde. Allez, si vous voulez, j'accepte de vous parrainer. Ouais, on avait déjà un parrain, je crois, non ? Oui. On avait Marcus. On peut avoir plusieurs parrains, j'avoue, là, je pose la question. Normalement, non, tu peux pas avoir plusieurs parrains. J'avoue que nous sommes déjà parrainés par Capitaine Tench, Marcus. Ah. Bon. Eh bien, écoutez, si... Avoir un amiral comme parrain, c'est peut-être un peu mieux qu'avoir un capitaine... Ouais, mais bon... Ce serait pas correct. On peut pas revenir sur... Non. Mais si, voilà, est-ce que... Voilà, on a accepté, j'ai qu'une parole. Capitaine, et si on leur proposait d'être seulement des collaborateurs de la confrérie ? Nous aurions des intérêts communs sans pour autant en faire partie. Des alliés. Pourquoi pas ? Et cela vous va ? Captain Blackscar. Des alliés. Eh bien, vous avez beaucoup plus à gagner que moi dans cette histoire. Pour l'instant. Voilà ce pour que l'instant. Je vous... Pour l'instant. Pour l'instant, bien entendu. eh bien, pour des alliés, je vous propose la chose suivante. Pour l'instant, je vous accorde mon crédit. Montrez-moi que j'ai raison et que vous la méritez bien. Information, trésor perdu, machine de guerre, peu importe, quelque chose d'intéressant. Apportez-moi ça, et alors, je vous considérerai vraiment comme égaux de ma confrérie. Ça marche, ça me va bien. Il te tend la main. Comme ça. Ah bah je lui serre la main. Allez, vous vous serrez la main. Allez, et bonne chance pour la conquête de la galaxie, les jeunes. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, up she rises, way hey, up she rises, way hey, up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor.